Interview, page 10. L'interview. Trois questions à Marilyn Das, adjointe au maire en charge de la citoyenneté, de la vie associative et culturelle, du commerce et de l'artisanat. Quels sont les objectifs de la politique de la ville en matière de commerce ? L'ensemble du travail réalisé par la ville a pour objectif de développer le pôle référent en termes de commerce de proximité que constitue Château-Gontier-Bazouges dans le sud Mayenne et au-delà. Cela participe à l'attractivité de notre territoire. Il est donc indispensable de maintenir une dynamique commerciale forte. Quels sont les moyens mis en œuvre par la ville pour atteindre ses objectifs ? La ville essaie avant tout d'avoir un rôle de facilitateur afin d'attirer de nouveaux commerçants. Cela passe entre autres par la mise en relation des porteurs de projets avec des propriétaires de locaux vacants. Nous travaillons aussi en lien avec l'Union commerciale depuis plusieurs années. La ville apporte un soutien financier, participant ainsi à l'organisation d'animations. Marché de Noël, quinzaine commerciale, défilé de mode. Parmi les projets que nous avons accompagnés, on peut citer la mise en place de la carte de fidélité et du site web Castel Plus. La ville a également procédé, en octobre 2014, à l'installation de bornes arrêt-minute afin de fluidifier le stationnement et permettre un accès plus simple pour des courses de courte durée. Il faut également souligner la forte implication de l'équipe municipale en matière d'accompagnement et de soutien aux commerçants et, comme je vous l'indiquais précédemment, de lutte contre les pas de porte vides. Un exemple est le cas du déménagement de plusieurs enseignes du centre-ville vers la périphérie à l'été 2014. Le maire a multiplié les rendez-vous et favorisé les mises en relation afin d'amener quatre nouvelles enseignes à occuper les locaux restés disponibles. Par ailleurs, que représente l'artisanat à Château-Gontier-Bazouges ? Comme les commerçants, les artisans contribuent à la vie économique locale. À Château-Gontier-Bazouges, il y a aujourd'hui 167 artisans, ce qui représente environ 600 emplois, ce qui fait de l'artisanat l'un des premiers employeurs du territoire. Certains sont membres de l'association CAPMA, Cercle d'artisans partenaires de la Mayenne-Angevine, qui participe au dynamisme local avec des animations phares telles que « Libre à toi ». L'artisanat est donc très bien implanté dans notre ville. Il faut également souligner la diversité de l'offre proposée et des domaines de compétences représentés. Plomberie, menuiserie, serrurerie, etc. Tout comme le commerce, l'artisanat est accompagné par la ville et bénéficie des mêmes dispositifs. Par ailleurs, les artisans peuvent être aidés dans leur installation. Ainsi, la ville propose depuis 2010 des ateliers à Montplour sous la forme de modules de 200 mètres carrés. Cela peut favoriser le démarrage de nombreuses activités. Un encart montre le portrait de Madame Das.